C'est l'araignée, bête comme ses pieds, qui dans sa toile a trébuché. C'est normal avec ses 8 pieds, c'est pas facile de s'y retrouver. Elle pourrait courir le 100 mètres, l'araignée en basket. Petit rat dans le lac du cygne, l'araignée en ballerine. Ou alors danser le tango, l'araignée en talon haut. C'est l'araignée, bête comme ses pieds, qui dans sa toile a trébuché. C'est normal avec ses 8 pieds, y'a vraiment de quoi s'en mêler. Elle pourrait rester sous la couette, l'araignée en chaussettes. Partir à l'école travailler, l'araignée en souliers. Ou en vacances faire du ping-pong, l'araignée en tong. C'est l'araignée, bête comme ses pieds, qui dans sa toile a trébuché. C'est normal avec ses 8 pieds, c'est pas facile de se chausser. Elle pourrait conduire le troupeau, l'araignée en sabots. C'est compliqué de chasser les mouches, l'araignée en babouche. Elle pourrait chanter cette chanson, l'araignée en chaussons. C'est l'araignée, bête comme ses pieds, qui dans sa toile a trébuché. Elle avait trouvé chaussure à son pied, mais ne savait pas faire ses lacets. Alors c'est très facile, vous prenez vos lacets, ses lacets, et vous les entrelacez. Une fois vos lacets entrelacés, il vous suffira de faire une première boucle. Ses lacets. Avec l'entrelacet, vous tournerez autour de cette boucle. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, vous prenez vos lacets, vous faites une boucle, puis une deuxième boucle. Non, c'est pas ça non plus. Après tout, j'en sais rien. Je suis qu'une toute petite araignée.